On est comme on ne choisit pas, destin tout tracé, c'est ainsi, c'est comme ça. On vit comme on vit, je voudrais que ça te gêne pas, mais si ça t'ennuie, on ne se calme pas. C'est qu'on bouscule les modèles, qu'on dérange le normal, laisse le modèle, dis-le-moi. Cet être idéal qui court vers le normal, oh oh, dis-le-moi. On est comme on est, on ne choisit pas, destin tout tracé, c'est ainsi, c'est comme ça. On rame comme on rame, et ça c'est notre vie, on y met notre âme, mais qui veut de cette vie? C'est qu'on bouscule les modèles, on dérange le normal, et laisse le modèle, dis-le-moi. Cet être idéal qui court vers le normal, oh oh, dis-le-moi. On bouscule les modèles, on dérange le normal. Quel est ce modèle? Dis-le-moi. Cet être idéal qui court vers le normal. Oh oh, dis-le-moi. Dis-le-moi. Cet être idéal qui court vers le normal, qui court vers le normal, cet être idéal. On bouscule les modèles, on dérange le normal, et laisse le modèle, dis-le-moi. Cet être idéal qui court vers le normal, oh oh, dis-le-moi. C'est qu'on bouscule les modèles, on te range le normal, et laisse le modèle, dis-le-moi. C'est un idéal qui court vers le normal, oh oh, dis-le-moi. On bouscule les modèles, on te range le normal, et laisse le modèle, dis-le-moi. C'est un idéal qui court vers le normal, oh oh, dis-le-moi. Dis-le-moi. Dis-le-moi. Dis-le-moi.